11 juillet au 23 août, tous les vendredis et samedis à 22h, ne manquez pas le grand spectacle historique au château de Saint-Fargeau. Aujourd'hui, samedi 2 août, nous sommes en direct du château de Saint-Fargeau dans le 89, à l'occasion donc de ce spectacle qui a lieu ce soir, et nous sommes entourés de Patrick. Donc Patrick, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au château donc de Saint-Fargeau. Alors Patrick, ici je pense qu'on vous connaît, vous faites partie de l'équipe d'animation et de l'encadrement du spectacle. Tout à fait, oui, ça fait déjà maintenant 30 ans que je fais partie de l'association. Et en fait, j'ai démarré d'abord dans un service de publicité parce que, étant de la Nièvre, je pensais être trop loin pour venir faire le spectacle. Et puis, en fait, on se fait tirer un peu par la manche, on commence à connaître les uns les autres. Et puis, on tombe dans la marmite et puis c'est parti pour deux fois par semaine, tout le temps, quoi, en fait. Donc, c'est vrai qu'on met le petit doigt, comme on dit toujours, et voilà, au fur et à mesure, par la passion. D'accord. Et alors donc, ce château, vous êtes né dans le lieu, c'est quelque chose que vous avez connu étant petit ? Du tout. Je l'ai découvert un soir d'août 1983, sous un orage terrible, et c'était la dernière du spectacle historique. J'ai eu le choc en voyant le spectacle, le coup de foudre, je veux dire. Et voilà, et c'est vrai que la semaine d'après, je les ai appelés en disant « Je trouve votre démarche extraordinaire, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» J'ai envie de vous aider. Et c'est là qu'on m'a dit « La publicité, si vous voulez. » Et après, l'aventure était lancée. Voilà, il ne fallait surtout pas dire « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Mais c'est une passion. Et c'est vrai que voilà, nous sommes installés ici dans la cour d'honneur, je pense, oui, du château. Donc, pour avoir visité déjà le château, moi, à plusieurs reprises, donc je connais un petit peu l'ambiance, surtout ce soir, quand on va passer illuminé avec... Et essentiellement, je ne sais pas si encore lieu, le concert de trompe de chasse. Oui, et c'est un lieu magnifique, une résonance énorme. Donc pour nos amis visiteurs, ne serait-ce qu'en plein jour, on va parler du spectacle le soir, ne serait-ce qu'en plein jour, il y a aussi ce château qui est merveilleux et qui se visite toute l'année. Alors il se visite toute l'année, du mois de mars, on va dire, jusqu'au mois de novembre, jusqu'au 11 novembre. Mais oui, toute l'année, vous pouvez le visiter. Il y a une visite commentée dans les salons privés. Et une visite libre pour le reste du château. Et une des particularités, c'est un des rares châteaux où on fait le tour des charpentes à 30 mètres de haut. Et les charpentes sont extraordinaires. C'est vrai que quand on voit le travail qui a été fait, on reste pantois d'admiration. D'accord. Et c'est vrai que ce château, en plus, symbolise un petit peu, à la limite, du côté de la Sologne, on arrive un petit peu sur l'Auxerrois, on est un petit peu entre les bois, entre les champs, et c'est un château aussi essentiellement de chasse, on va dire. C'était un petit peu relais de chasse à l'époque. Oui, le château primitif était conçu en relais de chasse, et peu à peu il a évolué vers un château fort, ça a été à la période médiévale un château fort, et c'est la grande mademoiselle qui a transformé le château pour lui donner au XVIIe son aspect actuel. Alors à la fois le côté, je dirais, un peu masculin du château médiéval, et le côté féminin des façades XVIIe avec les lanternons au-dessus des tours. D'accord. Et ce château n'abrite pas que des visites. Je sais qu'à une époque, quand il était repris, il y avait essentiellement des jeunes adolescents qui venaient ici aussi. C'est quelque chose qui a été hébergé il y a quelques temps. Une auberge ? Une auberge, non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Non, mais d'accord. Par contre, ce qui continue à être tout l'été, c'est que une aile du château est louée à une organisation de colonies de vacances, l'organisation Viva. Et donc, il y a des enfants qui sont là toute la semaine, qui apprennent à faire du poney et du cheval, et puis qui sont très contents de faire le spectacle le vendredi et le samedi soir. Donc, il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai, au château l'été. D'accord. Alors, au niveau du château, donc, il y a ce château, il y a aussi, je pense, parler du magnifique, la devanture du château, mais le parc, parce que le parc est comme extraordinaire à Saint-Fargeau. Oui, c'est vrai que c'est un parc à l'anglaise, qui a d'abord été un parc à la française. Il a été transformé en parc à l'anglaise en 1861, je crois. Mais c'est un très beau parc de 120 hectares où on peut faire des promenades magnifiques. Et le cadre du spectacle est magique. C'est vrai que le château, c'est un joyau dans un écrin finalement. D'accord. Alors, je pense qu'on va faire juste une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour parler du spectacle ensemble avec Patrick. Alors, toujours en direct du château de Saint-Fargeau, ici, dans cette belle cour d'honneur, avec notre ami Patrick, nous allons parler maintenant un petit peu de ce programme. Cette soirée donc, qui s'annonce ce soir jusqu'au mois d'août, on peut la venir la découvrir tout au long de l'été, juillet-août, le vendredi et le samedi soir, à partir de 22h. Et je précise par tout temps, pour l'avoir vécu, qu'il pleut ou qu'il neige, très rarement, mais en général, sous la pluie, c'est tout à fait réalisable. Et alors, juste une petite chose, sous la pluie, il faut quand même venir. Moi, j'ai vécu, il y a 3-4 ans de ça, une pluie énorme et une dame, je ne sais pas qui, une jeune danseuse, tout habillée de blanc, donc oui. Maintenant vous voyez qui c'est, qui dansait et elle est toute seule à un moment donné à danser sur l'esplanade, on va dire. Et je n'ai vu que son regard, j'étais pourtant perché très très haut, je n'ai vu que son regard et ses yeux qui éclataient parce qu'elle était tellement rayonnante et tellement souriante. Et elle avait des gouttes qui nous tombaient dessus, mais énormes, on dit c'est possible, cette pauvre dame. Eh bien non, elle était là en train de continuer son spectacle et bon nombre de spectateurs sont partis et je pense que non, il fallait rester et nous sommes restés à bravir la pluie trempée, ne serait-ce que pour ça. On s'est dit, les personnes continuent, les acteurs sont tous bénévoles et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut rester par tout temps avec ces personnes-là. Ah, vous avez eu la bonne démarche. C'est vrai que quand il arrive, malheureusement, on ne peut pas l'éviter, certains soirs de pluie. Bon, on fait notre maximum, peut-être encore plus que les autres soirs, pour que les gens essaient d'oublier la pluie et se concentrent plus sur le spectacle. Donc nous, on fait en sorte de l'oublier aussi complètement. Et voilà, quoi, c'est la magie du spectacle qui prend le dessus. Je pense que si vous voyez cette dame-là, vous pourriez dire, on était venu, on est resté que pour ça, parce que voilà, il était... Ça nous a paru logique de se dire, on ne peut pas. Ce n'est pas réalisable pour les personnes qui sont là, comme nous, elles se font mouiller, il faut rester. Alors, ce spectacle, il y a eu plusieurs spectacles. C'est une composition différente depuis une trentaine d'années que vous êtes maintenant dans le château. Il y a eu plusieurs compositions, plusieurs maîtres d'œuvre, plusieurs orchestrations. En fait, sur 30 ans, on avait créé à peu près 3 spectacles. Et au début, on avait commencé à les donner en alternance. C'est-à-dire tous les 3 ans, il y avait le même spectacle qui revenait. D'accord. Puis en fait, on s'est très vite aperçu que les gens venaient pas forcément tous les ans, mais tous les 2 ou 3 ans. Et du coup, ils voyaient le même spectacle. D'accord. Et on a fait une petite enquête auprès des personnes, des spectateurs, qui nous ont donné les scènes qu'ils préféraient. Et on a fait ce qu'on appelle un medley de toutes les meilleures scènes. Et ça a donné le spectacle qu'on donne actuellement et qui plaît beaucoup. Alors, j'ai des amis qui sont venus, pour tout dire, à deux périodes différentes, à 15 jours d'intervalle. Parce qu'ils étaient venus tous les deux ensemble et ils sont revenus la semaine d'après avec d'autres amis à eux qui ont dit « Ah, il y a un spectacle merveilleux », ils sont revenus. Et ils m'ont dit « C'est merveilleux parce qu'on n'a pas vécu le même spectacle à 15 jours d'intervalle. » Et c'était l'année passée. Donc pour dire que voilà, le spectacle peut être un petit peu changé parce que je pense qu'en fonction des acteurs aussi, qui sont tous bénévoles, sont peut-être en week-end, peut-être de passage de vacances, donc vous recomposez le spectacle chaque soir. Exactement. Et puis, on le fait même évoluer. C'est-à-dire que un soir, on va faire ce qui était prévu à la mise en scène et on va s'apercevoir que finalement, il y a peut-être une autre solution qui est bien meilleure et qui fait plus d'effet, ce qui fait qu'on va la mettre en place. Et c'est aussi comme ça que le spectacle reste vivant et évolue, parce que plus on améliore, mieux c'est pour les spectateurs, évidemment. Donc, c'est vrai que vous pouvez voir plusieurs spectacles dans l'année sans forcément voir le même. D'accord. Alors, au niveau du spectacle, comme il y a trois spectacles différents, ça commence à peu près pareil. On peut donner un petit intrigue aux auditeurs, à savoir qu'il y a quelques fantômes qui arrivent. C'est un petit peu ça, la trame de l'histoire. Oui. En fait, c'est l'esprit du château qui appelle ses fantômes, tous ceux qui ont habité le château, bien sûr, et qui les réveille pour revivre leur histoire. Et donc pendant près de 2 heures, vous avez une succession de scènes qui relatent tous les faits historiques qui se sont passés au château, depuis le Moyen-Âge, en passant par la Renaissance, la période 17e, le 19e et la dernière guerre mondiale. D'accord. A-t-il été difficile de trouver tous ces acteurs, puisque ça fait quand même... Je pense un des plus gros spectacles de France en nombre d'acteurs, hein, plus de 500 je crois, suivant les soirées. Il y a je ne sais combien de cavaliers, il y a aussi des animaux, je pense que c'est quelque chose à préciser. Un fait marquant, un dresseur d'oies, de canards, où il n'y a pas un petit cochon, quelque chose comme ça dans l'histoire. Oui, tout à fait, il y a des oies, il y a pas de canards cette année, il y a des oies et un cochon, oui. Donc, tout ce monde-là, j'ai oublié la question. c'est pas, voilà. Alors non, c'était au niveau des acteurs, je pense, les comédiens, on va dire, c'est quand même des bons comédiens aussi. C'est difficile de réussir à trouver quelque chose qui leur corresponde, qu'ils ont envie, et puis de trouver du monde, parce qu'il faut quand même trouver ces 500 bénévoles. Disons que quand on a déjà une base de bénévoles, il faut déjà voir qui, parce qu'il y a les personnalités de chacun, donc il y en a qui sont plus timides, il y en a qui prennent plus d'initiatives. Donc il faut savoir aussi respecter ça. Et les laisser, se sentir bien dans ce qu'ils sont. Donc des gens timides, on va les mettre un petit peu plus en retrait. Ils vont évoluer peut-être vers moins de timidité après. Et puis les gens qui ont l'habitude et qui n'ont pas peur, on peut les mettre à l'avant, faire des rôles principaux ou des choses où ils sont carrément seuls sur le plateau sans problème. D'accord. Et il y a aussi de jeunes petits apprentis comédiens, on va dire, en première partie. Les petits cavaliers, justement, dont on a parlé, qui sont ici donc en stage. Et c'est des jeunes qui sont très très petits, qui pour eux, certains n'ont commencé que cette semaine, on va dire, à la chevalerie, on va dire. Parfois, oui, ils ont à peine une semaine de poney. Et ils font déjà un joli carrousel avant le début du spectacle. Ce sont des cavaliers prometteurs et en tout cas qui s'éclatent complètement. D'accord. On va faire une petite pause et puis on continue le spectacle juste après. Allez, nous nous retrouvons ici donc avec Patrick dans la cour du château de Saint-Fargeau où nous parlons du spectacle avec les poneys. Nous avons parlé donc des poneys des jeunes. Il y a aussi des cavaliers. Ils viennent essentiellement avec leur monture en plus, puisqu'on les voit arriver pour les personnes qui viendront voir ici. Tout en haut de l'esplanade, il y a plein de voitures qui arrivent et ils descendent leurs propres chevaux. Et il y a combien de cavaliers pour cette soirée ? Une cinquantaine de cavaliers et qui sont tous, qui ont tous leur propre cheval et qui viennent tous les soirs avec leur animal. Et il y en a très peu qui restent au château en fait. Hein. Il y en a peut-être, 5 ou 6 qui les laissent en pension tout l'été. Tous les autres, chaque soir de spectacle, rentrent à la maison. Voilà, on voit le défilé arriver et repartir entre 20h et 22h. Voilà. Et il y a aussi parmi ces cavaliers, même d'autres à pied, quelques cascadeurs, puisqu'on peut aussi dire qu'il y a quelques petites cascades où c'est quand même un petit peu dur pour certains. Alors des cascadeurs, oui, mais non professionnels, oui, qui se sont forgés au fil du temps et qui font maintenant, oui, de belles cascades et qui font beaucoup d'effets. Et c'est un peu aussi la rançon du succès. On a eu l'habitude de proposer des choses un petit peu forte émotionnellement, surtout en matière de cascade, il faut assumer, maintenant il faut y aller jusqu'au bout. Oui, parce que je me rappelle, pour avoir vu ça il y a quelques années, il y a un concours de chevaliers où ils doivent taper avec leur grand mât et voilà, il y a quelque chose qui tourne. Et c'est vrai que c'est assez dangereux et j'ai vu quelqu'un vraiment s'assommer, mais dur. Ils l'ont évacué parce qu'on n'a pas vu la scène, donc on l'a vu par habitude. Mais c'est vrai qu'ils peuvent se faire quand même un petit peu mal. Je vais vous décevoir beaucoup. Mais le monsieur qui s'assomme, il s'assomme tous les soirs et c'est fait exprès. D'accord, mais là il s'était quand même bien assommé, on va dire, pour le soir. Donc on le dit, d'accord, on garde cette petite intrigue pour nos auditeurs, auditrices, voilà, à savoir qu'il n'y a malheureusement pas de blessés, et heureusement pour le château. Voilà. Et il y a aussi, je pense, quelque chose qui est sympa, c'est qu'on a des acteurs, il y a aussi ce cadre, puisqu'on est vraiment dans le bois. Il y a un petit lac et il y a aussi la traversée du lac. C'est aussi quelque chose qui est sympathique et qui vous exploitez au maximum le lieu pour faire de ce spectacle quelque chose de merveilleux. Oui, c'est vrai que dans plusieurs scènes, que ce soit à pied ou à cheval, les acteurs ont à passer le gué plusieurs fois. Et c'est vrai que ça donne un effet scénique tout à fait exceptionnel. Il y a le reflet dans l'eau et puis il y a le fait de passer dans l'eau, c'est tout de suite magique, quoi. C'est vraiment un élément de mise en scène important pour nous. Et au niveau de la mise en scène, il y a aussi quelque chose de merveilleux, c'est le son et la lumière, puisqu'on exploite au maximum le lieu, le lac, le petit bois qu'on peut avoir juste sur le côté droite et derrière, et on exploite aussi un maximum les lumières avec les lumières maintenant du jour, mais on a l'impression de se retrouver vraiment comme au temps, avec quelques feux, des choses comme ça, et c'est une exploitation maximum que vous avez cherché à travailler ? Ah oui, oui, oui. Ben c'est vrai que l'équipe de techniciens travaille longtemps avant nous, dès que les projecteurs sont placés, pour la mise en lumière, pour de nouveaux essais, parce qu'en fonction de certaines scènes qui changent, les éclairages ont changé. Ce qui change aussi quelquefois, ça nous arrivait cette année de manière répétée, c'est des grands arbres qui s'écroulent à cause d'une tempête et qui permettaient un éclairage particulier qu'on ne peut plus faire parce que l'arbre n'est plus là. Donc il faut trouver d'autres solutions, il faut ruser. D'accord. Et en lumière, il y a au moins 600, 800 projecteurs. Vous ne savez pas, c'est énorme. Mais je crois que c'est de cet ordre-là, oui, oui, oui. C'est plusieurs centaines de projecteurs. Je crois qu'il y a 50 km de fil. D'accord, 50 km. Et c'est vrai que le parc est grand. En termes de spectateurs, puisqu'on dit qu'il y a 50 km de fil, on a une capacité de combien pour vous, le maximum pour une soirée ? Une soirée, c'est 3000 personnes. Avec les pelouses, quand vraiment c'est une grosse, grosse soirée, on monte à 3005, mais pas plus. D'accord. Donc 3000, c'est beaucoup, 3005, c'est génial pour un petit spectacle ici. Tous de bénévoles, on tient toujours à leur dire, il n'y a que des bénévoles. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et vous avez aussi quelques petits artifices pour donner un petit peu de peps aussi, c'est ça qui est sympathique. En plus des lumières, il y a le son par la musique et les paroles qui vous content cette histoire-là, parce que l'histoire n'est que contée sur une bande-son, personne ne chante, personne ne parle en live. Tout à fait, oui, c'est une bande-son qui est dite par un comédien qui était très connu dans les années 60, Michel Barbet, et qui a même réenregistré l'année dernière une partie de la bande-son qui était un peu usagée. Et c'est un monsieur très vaillant, qui a 86 ou 87 ans, je crois maintenant, mais qui est toujours parfait, qui a toujours cette belle voix qui fait résonner le parc. Et, Et moi, je la trouve envoûtante, cette voie. Donc, voilà, quoi. Voilà. Et donc, dans ce parc, on a le château avec ce spectacle-là. Et pour les personnes qui désirent venir avant, à partir de 20h, on ouvre le parc. Il y a aussi une restauration, parce que vous êtes aussi là bah, pour faire une petite restauration de boissons chaudes, de boissons fraîches. Il y a aussi des casse-croûtes, des choses comme ça. Et ça permet surtout aux éditeurs, auditrices, de venir découvrir ce parc avant le spectacle, de voir les quelques calèches, les animaux qui sont un petit peu déjà arrivés, les cavaliers qui vont arriver. Et aussi, on peut découvrir, je crois, dans le fond du parc, il y a des trains ou quelque chose comme ça, une petite gare qui a été refaite. Oui, dans le haut du parc, vous avez une collection d'anciennes locomotives et avec une gare reconstituée, la gare de Saint-Fargeau. Et pour la mise en place du spectacle lui-même, c'est vrai que quand on arrive à Saint-Fargeau et quand on arrive sur le site du spectacle, j'ai envie de dire, c'est souvent la fête avant la fête. C'est-à-dire que contrairement à d'autres sites où rien ne se passe, vous vous asseyez, vous attendez tranquillement et tout apparaît. Ici, on sent qu'il se prépare quelque chose. On commence à voir les animaux arriver, on voit les chevaux, on voit les chevaux arriver, on commence à voir des acteurs en costume, des gens qui placent des accessoires. On sent qu'on prépare une fête et ça donne une ambiance tout à fait agréable. Voilà, c'est pour ça qu'on entend les petits cavaliers qui se baladent déjà derrière nous dans les gravillons. Et comme vous dites, pour se balader dans ce parc, on les voit bien, les acteurs qui sont commencés un petit peu à être, on ne peut pas dire déguisé, mais costumé, parce que c'est quand même des costumes que vous avez reproduits d'époque. Et différentes périodes, on se dit, tiens, c'est bizarre, on voit un cavalier du 800 avant Jésus-Christ, enfin des choses comme ça. On voit un fantôme, on ne sait pas pourquoi. Puis d'un seul coup, on voit quelqu'un qui est habillé entre la guerre 39-45. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui se prépare. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir aussi dans le parc les calèches. On en reparle dans une petite poignée de secondes. À Saint-Fargeau, donc dans ce parc, nous parlions à l'instant donc des cavaliers et des personnages qui se préparent. On peut revisiter une génération énorme. En quelle année a été construit ce château ? Le premier château était donc un relais de chasse et daté du 9e siècle. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, après il est devenu château fort au Moyen Âge pour être complètement remanié au 17e. Et ben, en 2014, il est toujours là, il est sauvé de l'oubli, il est sauvé parce qu'il a été restauré. Il y avait 2 hectares de toiture à sauver, c'est fait. Et chose inespérée, il y a même eu des restaurations de certaines parties du château qui auraient dû être faites beaucoup plus tard et qui, grâce à des spectacles où il y a eu beaucoup de monde, on a pu le faire beaucoup plus tôt. C'est vrai que ce château est magnifique et ça coûte malheureusement de l'argent d'entretenir une telle propriété. Qui est une propriété privée depuis ? Alors la propriété privée est privée depuis 1980, date à laquelle Michel Guyot a acheté le château. Michel Guyot, qu'on connaît bien sur Orléans, n'est autre que le frère de Monsieur Guyot, Jacques, qui a le château de la Ferté-Saint-Thomas et dont il possède 2 autres châteaux, un en Bretagne et un, je crois, en Dordogne. Ou... Voilà, exactement, voilà, c'est ça. Et donc, c'est des passionnés fous, mais vraiment, quand on dit fou, il n'y a pas plus fou qu'eux pour se dire, c'est une ruine, mais c'est pas grave, ça reviendra château dans, s'il faut, 10 ans, mais ils reconstruisent tout de A à Z par leurs petites mains et par leur passion. Exactement, c'est des gens extrêmement passionnés. Quand on les fréquente au quotidien, on ne peut que s'engouffrer dans leur sillage parce qu'ils vous transmettent leur passion. Et puis, heureusement qu'on a des gens comme ça, parce que je pense que la France souffrirait beaucoup de châteaux en ruine si on ne croisait pas des personnages comme ça. D'accord. Donc on rappelle ce soir pour les passionnés au château, venez nous voir ici nombreux, venez rencontrer les bénévoles, discuter avec eux puisqu'ils sont ouverts à tout avant et même après le spectacle. On peut venir les rencontrer parce qu'ils... On va boire un coup avec les acteurs, on a toujours quelque chose au frais. Eh bien voilà, donc venez rencontrer donc ces acteurs, venez rencontrer Patrick. Ce soir Patrick, il sera où ? Eh bien, ce soir, je vais vous décevoir pour la deuxième fois. Je suis un blessé de guerre, donc je ne peux pas jouer. D'accord. Donc, et on peut préciser donc, ce spectacle. Plus de 500 acteurs, tous bénévoles. Il y a une trentaine de cavaliers, une cinquantaine de cavaliers. Il y a des petits poneys avec des apprentis cavaliers. Il y a des jongleurs aussi. Il y a des petits magiciens, on peut dire. Il y a beaucoup de suspense. On commence par des fantômes qui arrivent des entrailles, des oubliettes du château à la construction. On va revisiter des siècles entiers pour arriver jusqu'à notre ère, en passant par la Révolution, la guerre 39-45, on va passer par toutes les potes Moyen-Âge, les rois, aussi quelques surprises sur l'eau, avec les chevaux, des bateaux, je pense, qui vont arriver, enfin plein de belles surprises, du bruit, de la lumière, tout ça, donc c'est à Saint-Fargeau, n'hésitez pas donc à venir nous voir, et il y a toujours de la place. Il suffit juste de donner un petit coup de fil pour réserver, il y a un petit numéro de téléphone. Numéro de téléphone 03 86 74 05 67 et vous tapez Château de Saint-Fargeau sur Google et vous tomberez sur le site du château et vous pouvez faire vos réservations directement sur le site. D'accord, et ben on vous remercie beaucoup de l'accueil Patrick. Bonne soirée avec ce joli parc, ce joli château et puis on se retrouve tout à l'heure avec les blessés de guerre pour voir un petit coup. Alors, sorti du château, je vais recueillir les propos sur un petit micro-trottoir. Alors, qu'avez-vous pensé du spectacle de ce soir à Saint-Fargeau ? C'était bien, il y avait de bons effets spéciaux. Bah, c'était grandiose, tous les gens du village ils se sont réunis pour nous faire ce spectacle. Bah, ça s'est passé dans un château qui était très beau. Bah, moi j'ai bien aimé, enfin j'ai adoré le spectacle. C'était beaucoup coloré et puis voilà, je vous conseille d'aller le voir. Je vous invite à aller visiter le spectacle du château de Saint-Fargeau. C'est vraiment un spectacle magnifique. Vous serez émerveillé par tous les costumes, tous les jolis costumes reconstitués des précédentes époques. C'est vraiment un spectacle à voir et à revoir. J'ai vraiment trouvé ce spectacle merveilleux et éblouissant et très émouvant. Voilà. Et les costumes magnifiques, vous m'avez dit. Oui. Vous reviendrez l'année prochaine ? Oui. Bonjour, j'ai été invité par un ami à aller voir un spectacle magnifique, grandiose et merveilleux au château de Saint-Fargeau, relatant toutes les époques et très enrichissant au niveau de costumes, de beauté et de lumière. Et notre histoire de France, marquée par tous ces acteurs, était quand même magnifique. J'ai aimé aussi les fantômes et les chevaux. Les chevaux, les bagarres, les chevaliers qui se battent. La bagarre des chevaliers. Non, le 14 juillet. C'est tout. Bah bien, j'ai aimé quand il y avait les fantômes et la bagarre. D'accord, merci. Le feu d'artifice. Avec un château plein d'étoiles. C'était Sébastien pour Radio Arc-en-Ciel à Saint-Fargeau.